Entre Pozzo et Lucky. Pozzo est devenu aveugle. Lucky est chargé. Il a sa corde comme au premier acte, mais beaucoup plus courte, pour permettre à Pozzo de suivre plus commodément. Lucky est coiffé d'un nouveau chapeau. Chicoudou, ça tombe à pic. Enfin du renfort. Au secours. Chicoudou, nous commencions à flancher, voilà notre fin de soirée assurée. À moi! Il appelle à l'aide. Nous ne sommes plus seuls. À attendre la nuit, à attendre Godot, à attendre. Toute la soirée, nous avons lutté, livré à nos propres moyens. Maintenant, c'est fini. Nous sommes déjà demain. À moi! Déjà, le temps coule tout autrement. Le soleil se couchera, la lune se lèvera et nous partirons d'ici. Pitié! Pauvre Pozzo. Je savais que c'était lui. Qui? Godot. Mais ça n'est pas Godot. C'est pas Godot. Ça n'est pas Godot. Qui c'est alors? C'est Pozzo. C'est moi, c'est moi. Relevez-moi. Il ne peut pas se relever. Allons-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Peut-être qu'il a encore des os pour toi. Des os? De poulet. Tu ne te rappelles pas? C'était lui. Oui. Demande-lui. Si on l'aidait d'abord. À quoi faire? À se relever. Il ne peut se relever? Il veut se relever. Alors qu'il se relève? Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Si on lui demandait les os d'abord. Puis s'il refuse, on le laissera là. Tu veux dire que nous l'avons à notre merci? Oui. Et qu'il faut mettre des conditions à nos bons offices? Oui. Ça a l'air intelligent, en effet. Mais je crains une chose. Quoi? Que Lucky ne se mette en branle tout d'un coup. Alors nous serions baisés. Lucky? C'est lui qui t'a attaqué hier. Je te dis qu'ils étaient 10. Mais non, avant, celui qui t'a donné des coups de pied. Il est là. Bah, regarde. Pour le moment, il est inerte, mais il peut se déchaîner d'un instant à l'autre. Si on lui donnait une bonne correction, tous les deux. Tu veux dire, si on lui tombait dessus pendant qu'il dort? Oui. C'est une bonne idée. Mais en sommes-nous capables? Dort-il vraiment? Non. Le mieux serait de profiter de ce que Pozzo appelle au secours pour le secourir en tablant sur sa reconnaissance. Mais... Ne perdons pas notre temps. En vain discours, faisons quelque chose pendant que l'occasion se présente. Ça n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. Non pas, à vrai dire, qu'on ait précisément besoin de nous. D'autres feraient aussi bien l'affaire, sinon mieux. L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité tout entière qu'il s'adresse. Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous. Que ça nous plaise ou non, profitons-en. Avant qu'il soit trop tard, représentons dignement pour une fois l'engeance où le malheur nous a fourrés. Qu'en dis-tu? Tu me diras qu'en pesant les bras croisés, le pour et le contre, nous faisons également honneur à notre condition. Le tigre se précipite au secours de ses congénères, sans la moindre réflexion, ou bien il se sauve au plus profond des taillis. Mais la question n'est pas là... Que faisons-nous ici? Voilà ce qu'il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire. Nous attendons que Godot vienne. C'est vrai. Ou que la nuit tombe. Nous sommes au rendez-vous, un point c'est tout. Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes au rendez-vous. Combien de gens peuvent en dire autant? Des masses. Tu crois? Je ne sais pas. C'est possible. Au secours! Ce qui est certain, c'est que le temps est long dans ces conditions et nous pousse à le meubler d'agissements qui, comment dire, qui peuvent à première vue paraître raisonnables, mais dont nous avons l'habitude. Tu me diras que c'est pour empêcher notre raison de sombrer, c'est une affaire entendue, mais n'erre-t-elle pas déjà dans la nuit permanente des grands fonds? Voilà ce que je me demande parfois. Tu suis mon raisonnement? Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent. Au secours, je vous donnerai de l'argent! Combien? 100 francs. C'est pas assez. Oh, je n'irai pas jusque-là. Tu trouves que c'est assez? Non, je veux dire jusqu'à affirmer que je n'avais pas toute ma tête en venant au monde. Mais la question n'est pas là. 200. Nous attendons, nous nous ennuyons. Non, ne proteste pas. Nous nous ennuyons ferme, c'est incontestable. Bon. Une diversion se présente et que faisons-nous? Nous la laissons pourrir? Allons! Au travail! Dans un instant, tout se dissipera, nous serons à nouveau seuls au milieu des solitudes. 200! On arrive! Il essaie de soulever Pozzo, n'y arrive pas. Renouvelle ses efforts, n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous avez tous? Au secours! Je m'en vais! Ne m'abandonne pas, ils me tueront! Où suis-je? Gogo! À moi! Aide-moi! Moi, je m'en vais! Aide-moi d'abord, puis nous partirons ensemble. Tu le promets? Je jure! Et nous ne reviendrons jamais! Jamais! Nous irons dans l'Ariège... Où tu voudras! 300! 400! J'ai toujours voulu me balader dans l'Ariège! Tu t'y baladeras! Qui a pété? C'est Pozzo! C'est moi! C'est moi! Pitié! C'est dégoûtant! Vite, vite! Donne ta main! Je m'en vais! Je m'en vais! Après tout, je finirai bien par me lever tout seul. Il essaie de se lever, retombe. Tôt ou tard! Mais qu'est-ce que tu as? Fous le camp! Tu restes là? Pour le moment. Mais lève-toi, voyons, tu vas attraper froid! Ne t'occupe pas de moi! Voyons, Didi, ne sois pas têtu, allez! Debout! Tire! Estragon tire, trébuche, tombe. À moi! Nous sommes là! Qui êtes-vous? Nous sommes... des hommes. Ce qu'on est bien par terre. Peux-tu te lever? Je ne sais pas. Essaye. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu te taire, toi, à la fin? Quel choléra, quand même! Il ne pense qu'à lui. Si on essayait de dormir... Tu l'as entendu, il veut savoir ce qui s'est passé. Laisse-le dormir. Pitié! Pitié! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais? Je crois. C'est encore ce salaud de Pozzo. Dis-lui de la boucler. Casse-lui la gueule. As-tu fini? Ah! Veux-tu te taire, vermine? Lucky! Lucky! Il s'est sauvé. Il est tombé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je pouvais ramper jusqu'à lui... Ne me quitte pas. Si je l'appelais... C'est ça, appelle-le. Pozzo! Pozzo! Il ne répond plus. Ensemble. Pozzo! Pozzo! Il a bougé. Tu es sûr qu'il s'appelle Pozzo? Monsieur Pozzo! Reviens! On ne te fera pas de mal! Si on essayait avec d'autres noms... J'ai peur qu'il ne soit sérieusement touché. Ce serait amusant. Qu'est-ce qui serait amusant? D'essayer avec d'autres noms, l'un après l'autre, ça passerait le temps. On finirait bien par tomber sur le bon. Je te dis qu'il s'appelle Pozzo. C'est ce que nous allons voir. Voyons. Abel! Abel! Abel! Tu vois? Je commence à en avoir assez de ce motif. Peut-être que l'autre s'appelle Carl. Carl! Carl! C'est toute l'humanité. Regarde-moi ce petit nuage. Où? Là, au zénith. Oh! Eh ben, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Passons maintenant à autre chose, veux-tu? J'allais justement te le proposer. Mais à quoi? Voilà. Si on se levait pour commencer. Essayons toujours. Et pas plus difficile que ça. Vouloir, tout est là. Et maintenant? Au secours! Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai.